Dossier 6, livre page 63. Maya fait une interview avec Pierre pour avoir des informations personnelles et pour savoir les métiers des membres de sa famille. Comment vous vous appelez ? Pierre. Vous habitez où ? J'habite dans le Val d'Aoste, dans le nord de l'Italie. C'est pollué là-bas ? Oh non, c'est dans les Alpes. Et vous avez des frères et des sœurs ? J'ai un frère seulement. Quel est votre métier ? Médecin. Que fait votre frère ? Il est mécanicien. Et votre père ? Il est pompier. Et votre mère, est-ce qu'elle travaille ? Oui, elle est professeure de français. Merci bien pour le temps que vous m'avez accordé.